Les pères de l'Église grecque au IVe siècle, par Eugène Fialon, Saint Jean Chrysostome, 347-407. Cette notice sur Saint Jean Chrysostome est presque entièrement extraite du savant et beau travail de Monsieur Albert, Saint Jean Chrysostome considéré comme orateur populaire. Jean Chrysostome, né à Antioche en 347, avait des parents chrétiens d'une noble naissance. Son père commandait les armées de Syrie. Sa mère, appelée Anthuse, restée veuve à 20 ans avec deux enfants, ne voulut point se remarier et se consacra à leur éducation. Dieu immortel, s'écria Libanius dans l'admiration de ce dévouement maternel, quelle femme il y a chez les chrétiens! Le jeune Chrysostome reçut à Antioche, dans la dernière école de Libanius, l'éducation que Basile et Grégoire étaient allés chercher à Athènes. Le vieux rhéteur l'aima comme il avait aimé l'archevêque de Césarée, jusqu'à nourrir l'espoir de l'avoir un jour pour successeur. Mais les chrétiens le lui enlevèrent, dit-il avec tristesse. Il reçut le baptême en 369 et fut nommé lecteur par Saint Mélès, évêque d'Antioche. Dès lors, il laisse la Démosthène, la rhétorique, le barreau, et s'enferme dans l'étude des livres saints. Les larmes de sa mère l'empêchent de fuir au désert, mais il se fait dans le monde la rude vie du désert avec toutes ses austérités. C'est alors qu'il écrit le traité du sacerdoce, le plus pur et le plus parfait de ses ouvrages. Bientôt, il ne peut plus se résigner à vivre au milieu des désordres d'Antioche et va, pendant 4 ans, demander la tranquillité à la solitude. En 386, il est élevé à la prêtrise par Flavien, le successeur de Mélès. Il avait alors près de 40 ans. Flavien lui confia le ministère de la prédication, qu'il remplit pendant 11 années, prêchant souvent tous les jours, et d'ordinaire 3 fois par semaine. Pendant ces 11 années, le jeune orateur fut l'ami, le père, le protecteur de cette ville élégante et dissolue. Il vivait en étroite et perpétuelle communion avec tous ses habitants, savait leurs noms, leurs habitudes, leurs penchants secrets et le faible de leur cœur. Au sortir du temple, il les suivait jusque dans la vie privée, savait ce qu'il faisait avant de venir à l'église, ce qu'il faisait en sortant et quand il ne venait pas, il ne les perdait pas un instant de vue, sans que cette opiniâtre surveillance de charité pût blesser aucun d'eux et passer pour un espionnage hypocrite. C'est que toute cette foule, et surtout les misérables dont nul n'avait pitié, se sentaient profondément aimés du compatissant moraliste. C'est que tous avaient confiance dans l'homme qui se chargeait de toutes ses âmes. Ce devoir de la protection des faibles, que Chrysostome eut rempli jusqu'au sacrifice de sa vie, il lui fut donné de s'en acquitter une fois, avec quel succès, on le sait, à l'occasion de la révolte des habitants contre Théodose. Chrysostome désirait ne jamais quitter Antioche, quand, en 397, il fut, pour ainsi dire, enlevé par surprise et placé sur le siège de Constantinople. Eutrope, alors tout puissant, le connaissait pour l'avoir vu dans un voyage en Orient, et, comptant sans doute trouver dans un simple prêtre dont il aurait fait la fortune une créature docile, il l'avait fait accepter d'Arcadius. Ni Eutrope ni Arcadius ne le connaissaient, et lui-même ignorait ce que pouvait être la cour et le gouvernement d'un empereur byzantin. Les mœurs et l'esprit d'un clergé plus soucieux de plaire aux puissants que de conserver sa dignité et son indépendance. Ce n'est pas un tel archevêque qu'il fallait à une telle cour et à de tels prêtres. Chrysostome se posa en réformateur. Il combattit énergiquement les vices du clergé, des grands, de la cour, de l'impératrice, en même temps, il fut, comme à Antioche, L'ami est le protecteur des petits, des opprimés, de tous ceux qui souffraient. Aussi, pendant que les évêques et les grands lui faisaient prendre par deux fois le chemin de l'exil, le peuple se soulevait pour maintenir sur son siège celui qui leur disait « Si je suis persécuté, ce n'est pas parce que je possède des biens terrestres, ni parce que j'ai commis quelque crime, mais parce que je vous aime. » Chrysostome ne fut pas un homme politique, il fut, cependant, mêlé aux événements les plus importants du règne d'Arcadius, la chute de Trope et la révolte de Gaïnas. Faible et violent, le gouvernement impérial essaya par trois fois de porter atteinte aux privilèges de l'Église, d'abord en faveur de Trope, puis contre Trope, et enfin pour complaire à Gaïnas et le désarmer. Chrysostome les défendit contre le favori tout-puissant, contre l'empereur épouvanté, contre le mercenaire, menaçant. Les attaques de l'éloquent archevêque montèrent plus haut. Avec Eudoxie, le brigandage était assis sur le trône. On ne saurait se faire une idée de ses rapines et de ses violences. Il était rare, dit Saint-Nil, préfet de Constantinople avant d'être moine, qu'un homme riche pût léguer ses biens à ses héritiers. Eudoxie, ses femmes, ses eunuques se les faisaient adjuger. Sous un tel régime, ajoute Zosime, les gens de bien s'ennuyaient de vivre et souhaitaient de mourir. À la vue de tant d'injustices et de corruption, Chrysostome pouvait-il contenir son zèle de réformateur? Il traita l'impératrice de Jézabel et d'Hérodiade. Eudoxie jura sa perte et unit contre le protecteur des petits tous ses ennemis, les évêques, les riches, les grands. Mais en vain des évêques calomniateurs, une femme et un empereur imbécile conspirent contre lui, le déposent et le bannissent. Il voit se soulever en sa faveur tout le peuple de Constantinople. L'émeute le ramène triomphant sur son siège. Banni une seconde fois, il refuse d'obéir, parce que, dit-il, il a reçu de Dieu seul son Église, et que Dieu seul peut l'en chasser. Pendant 10 mois, il résiste aux ordres de l'empereur, accomplissant tous les actes de son ministère d'évêque, protégé par la multitude qu'il a si longtemps protégé, et se livre enfin volontairement, mais à l'insu du peuple, aux soldats qui doivent l'emmener. Chrysostome vécut 2 ans encore après son exil. Il fut d'abord transporté à Nicée, en Bithynie, puis, dans les solitudes les plus éloignées, à Cucuse, à Arabis, à Pithionte et enfin à Comane. L'oubli et le silence ne se faisaient pas autour de son nom. Le monde entier avait les yeux tournés vers l'auguste fugitif. Vous avez, écrivait Saint-Nil à Arcadius, banni Jean, évêque de Constantinople, la plus grande lumière de la terre, et vous l'avez banni sans sujet, légèrement, vous abandonnant aux instigations d'évêques corrompus. Après avoir privé l'Église d'un docteur qui lui donnait des instructions si solides et si orthodoxes, au moins ne soyez pas insensible à votre faute. Ce n'est qu'après sa mort et après celle d'Arcadius que Chrysostome devait obtenir cette réparation. Il expira de faiblesse et d'accablement, en arrivant à Comane, son dernier exil sur cette terre. 30 ans plus tard, ses restes furent rapportés à Constantinople. Ce fut un second retour triomphal, et, pour que rien ne manquât aux honneurs de celui qui n'était plus, le peuple vit le jeune Théodose, le fils d'Arcadius et d'Eudoxie, attacher son visage et ses yeux sur la chasse du saint, lui demander pardon pour son père et pour sa mère, et le supplier d'oublier les péchés qu'ils avaient commis contre lui. Chrysostome est un des derniers représentants de l'éloquence chrétienne. Après lui commencent les ténèbres et la barbarie est proche. Une fois qu'il eut monté les degrés de la chair, l'exil seul et la mort purent l'en arracher, Il ne connut plus ni retraite ni repos, et telle était l'ardeur de son zèle, tel l'amour qu'il portait à cette multitude tumultueuse, tel est si impérieux le besoin de remuer par la parole les âmes qui se tournaient vers lui, que, faible, souffrant, exténué, il n'eut ni le désir, ni l'idée de s'arrêter, fût-ce un jour, dans cette carrière si longue et si laborieuse. Il réunit incontestablement plus de qualités que ceux qui le précédèrent, mais ses défauts sont plus saillants. La sensibilité et l'imagination, caractère dominant de l'orateur et de l'auditoire, constituent son originalité, expliquent les qualités et les défauts qui le distinguent. Aucun de ses ouvrages ne présente une de ces conceptions puissantes qui créent à l'instant même le style qu'il les doit exprimer. Ses homélies sont un recueil de dissertations éloquentes et sensées, où l'orateur est livré à tous les hasards de la sensibilité, de l'imagination et de la mémoire. Le style flotte comme la pensée, incertain, sublime, trivial, poétique. Ce qui domine dans ce style, c'est la partie matérielle. C'est par des images que Chrysostome arrête et captive les légers esprits de l'Orient. Markem Dan Archivorg 2024 d'après Books Google FR. Licence Creative Commons pas d'usage commercial partage à l'identique.